Inspecteur Gadget. Inspecteur Gadget. Nous sommes Elvis Presley. Roy Orbison. Madonna. moins tu t'en occupes, plus qu'elle joue bien. Ça, c'est parce que bye bye Pipaxis, c'est un écho dans ton in. Tes cordes sont scrap. Vote Blue. Please, Mr. Blue, can you vote for the system to change the beat? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.